dans cette soirée, en voulant la retrouver. Hier soir car je l'ai vu les embrasser, j'ai jamais su partager. De voir un cœur laisser entre leurs doigts sans pouvoir la toucher. J'ai l'espoir très fort la goûter du bout des lèvres et de m'abandonner. Oh, j'aurais bien fait de ne pas l'allumer, de ne pas l'allumer. J'aurais bien fait de ne pas l'allumer, de ne pas l'allumer. Dans le fond de l'air, je sens le souffle de sa présence. La toucher, j'aurais aimé. Sous leurs doigts, ils se perdent. Le sourire sorcelle leur tête, les fait tourner. Le désir me fait